Modérez donc, Seigneur, cette fureur extrême. Je ne vous connais plus. Vous n'êtes plus vous-même. Souffrez. Non, tes conseils ne sont plus de saison. Pilade, je suis las d'écouter la raison. C'est traîner trop longtemps ma vie et mon supplice. Il faut que je l'enlève, ou bien que je périsse. Le dessein en est pris, je le veux achever. Oui, je le veux. Eh bien, il la faut enlever, j'y consens. Mais songez cependant où vous êtes. Que croira-t-on de vous à voir ce que vous faites? Dissimulez, calmez ce transport inquiet. Commandez à vos yeux de garder le secret. Ces gardes, cette cour, l'air qui vous environne, tout dépend de Pyrrhus et surtout d'Hermione. À ses regards surtout, cachez votre courroux. Ô Dieu, en cet état, pourquoi la cherchiez-vous? Que sais-je? De moi-même étais-je alors le maître? La fureur m'emportait, et je venais peut-être menacer à la fois l'ingrate et son amant. Et quel était le fruit de cet emportement? Et quelle âme, dis-moi, ne serait éperdue du coup dont ma raison vient d'être confondue? Il épouse, dit-il, Hermione demain. Il veut, pour m'honorer, la tenir de ma main. Ah, plutôt cette main dans le sang du barbare! Vous l'accusez, Seigneur, de ce destin bizarre. Cependant, tourmenté de ses propres desseins, il est peut-être à plaindre autant que je vous plains. Non, non, je le connais. Mon désespoir le flatte. Sans moi, sans mon amour, il dédaignait l'ingrate. Ses charmes jusque-là n'avaient pu le toucher. Le cruel ne la prend que pour me l'arracher. Ah, Dieu ! C'en était fait ! Hermione gagnait, pour jamais de sa vue allait être éloignée. Son cœur, entre l'amour et le dépit confus, pour se donner à moi n'attendait qu'un refus. Ses yeux s'ouvraient, Pilade. Elle écoutait au reste, lui parlait, le plaignait. Un mot eût fait le reste. Vous le croyez? Et quoi, ce courroux enflammé contre un ingrat? Jamais il ne fut plus aimé. Pensez-vous quand Pyrrhus vous l'aurait accordé, qu'un prétexte tout prêt ne l'eût pas retardé? M'en croirez-vous, lassé de ces trompeurs attraits, au lieu de l'enlever, fuyez-la pour jamais. Quoi, votre amour se veut chargé d'une furie qui vous détestera, qui toute votre vie, regrettant un hymen tout prêt à s'achever, voudra... C'est pour cela que je veux l'enlever. Tout lui rirait, Pilade. Et moi, pour mon partage, je n'emporterai donc qu'une inutile rage. J'irai, loin d'elle encore, tâcher de l'oublier. Non, non, à mes tourments je veux l'associer. C'est trop gémir tout seul. Je suis là qu'on me plaigne. Je prétends qu'à mon tour l'inhumaine me craigne. Et que ses yeux cruels, à pleurer condamnés, me rendent tous les noms que je leur ai donnés. Voilà donc le succès qu'aura votre ambassade, ô reste ravisseur. Et qu'importe, Pilade, quand nos états vengés jouiront de mes soins, l'ingrate de mes pleurs jouira-t-elle moins? Et que me servira que la Grèce m'admire, tandis que je serai la fable de l'épire? Que veux-tu? Mais s'il faut ne te rien déguiser, mon innocence, enfin, commence à me peser. Je ne sais de tout temps quelle injuste puissance laisse le crime en paix et poursuit l'innocence. De quelque part sur moi que je tourne les yeux, je ne vois que malheur qui condamne les dieux. Méritons leur courroux, justifions leur haine, et que le fruit du crime en précède la peine. Mais toi, par quelle erreur veux-tu toujours sur toi détourner un courroux qui ne cherche que moi? Assez et trop longtemps mon amitié t'accable, évite un malheureux, abandonne un coupable. Cher Pilade, crois-moi, ta pitié te séduit, laisse-moi des périls dont j'attends tout le fruit. Porte aux Grecs cet enfant que Pyrrhus m'abandonne, va-t'en. Allons, Seigneur, enlevons Hermione. À travers des périls un grand cœur se fait jour. Que ne peut l'amitié conduite par l'amour? Allons de tous vos Grecs encourager le zèle. Nos vaisseaux sont tous prêts, et le vent nous appelle. Je sais de ce palais tous les détours obscurs. Vous voyez que la mer en vient battre les murs, et cette nuit, sans peine, une secrète voix, jusqu'en votre vaisseau conduira votre proie. J'abuse, cher ami, de ton trop d'amitié. Mais pardonne à des maux dont toi seul as pitié. Excuse un malheureux qui perd tout ce qu'il aime, que tout le monde hait et qui se hait lui-même. Que ne puis-je, à mon tour, dans un sort plus heureux ? Dissimulez, Seigneur, c'est tout ce que je veux. Gardez qu'avant le coup, votre dessein n'éclate. Oubliez jusque-là qu'Hermione est ingrate, oubliez votre amour. Elle vient, je la vois. Va-t'en, réponds-moi d'elle, et je réponds de moi. Eh bien, mes soins vous ont rendu votre conquête. J'ai vu Pyrrhus, madame, et votre hymen s'apprête. On le dit, et de plus, on vient de m'assurer que vous ne me cherchiez que pour m'y préparer. Et votre âme à ses vœux ne sera pas rebelle. Qui l'eût cru que Pyrrhus ne fût point infidèle, que sa flamme attendrait si tard pour éclater, qu'il reviendrait à moi quand je l'allais quitter. Je veux croire avec vous qu'il redoute la Grèce, qu'il suit son intérêt plutôt que sa tendresse, que mes yeux sur votre âme étaient plus absolus. Non, madame, il vous aime, et je n'en doute plus. Vos yeux ne font-ils pas tout ce qu'ils veulent faire, et vous ne vouliez pas, sans doute, lui déplaire. Mais que puis-je, Seigneur ? On a promis ma foi. Lui ravirai-je un bien qu'il ne tient pas de moi ? L'amour ne règle pas le sort d'une princesse, la gloire d'obéir et tout ce qu'on nous laisse. Cependant, je partais et vous avez pu voir combien je relâchais pour vous de mon devoir. Ah, que vous savez bien, cruel ! Mais, madame, chacun peut à son choix disposer de son âme. La vôtre était à vous. J'espérais, mais enfin, vous l'avez pu donner sans me faire un larcin. Je vous accuse aussi bien moins que la fortune. Et pourquoi vous lasser d'une plainte importune ? Tel est votre devoir, je l'avoue. Et le mien est de vous épargner un si triste entretien. Attendais-tu, Cléone, un courroux si modeste ? La douleur qui se tait n'en est que plus funeste. Je le plains, d'autant plus qu'auteur de son ennui, le coup qu'il l'a perdu n'est parti que de lui. Comptez depuis quel temps votre hymen se prépare. Il a parlé, madame, et Pyrrhus se déclare. Tu crois que Pyrrhus craint ? Et que craint-il encore ? Des peuples qui, 10 ans, ont fui devant Hector, qui, 100 fois effrayés de l'absence d'Achille, dans leur vaisseau brûlant, ont cherché leur asile, et qu'on verrait encore, sans l'appui de son fils, redemander Hélène aux Troyens impunis. Non, Cléone, il n'est point ennemi de lui-même. Il veut tout ce qu'il fait, et s'il m'épouse, il m'aime. Mais qu'Oreste à son gré m'impute ses douleurs, n'avons-nous d'entretien que celui de ses pleurs ? Pyrrhus revient à nous ? Eh bien, chère Cléone, conçois-tu les transports de l'heureuse Hermione ? Sais-tu quel est Pyrrhus ? T'es-tu fait raconter le nombre des exploits ? Mais qui les peut compter ? Intrépide et partout suivi de la victoire, charmant, fidèle, enfin, rien ne manque à sa gloire. Songe. Dissimulez, votre rival en pleurs vient à vos pieds, sans doute, apporter ses douleurs. Dieu, ne puis-je à ma joie abandonner mon âme ? Sortons, que lui dirai-je ? Où fuyez-vous, madame ? N'est-ce pas à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurant à vos genoux ? Je ne viens point ici par de jalouses larmes vous envier un cœur qui se rend à vos charmes. Par une main cruelle, hélas, j'ai vu percer le sol où mes regards prétendaient s'adresser. Ma flamme, par Hector, fut jadis allumée. Avec lui, dans la tombe, elle s'est enfermée. Mais il me reste un fils. Vous saurez quelque jour, madame, pour un fils jusqu'où va notre amour. Mais vous ne saurez pas, du moins je le souhaite, en quel trouble mortel son intérêt nous jette, lorsque de tant de biens qui pouvaient nous flatter, c'est le seul qui nous reste, et qu'on nous veut l'ôter. Hélas, lorsque, lassé de 10 ans de misère, les Troyens en courroux menaçaient votre mère, j'ai su, de mon Hector, lui procurer l'appui. Vous pouvez sur Pyrrhus ce que j'ai pu sur lui. Que craint-on d'un enfant qui survit à sa perte? Laissez-moi le cacher en quelque île déserte. Sur les soins de sa mère, on peut s'en assurer, et mon fils avec moi n'apprendra qu'à pleurer. Je conçois vos douleurs, mais un devoir austère, quand mon père a parlé, m'ordonne de me taire. C'est lui qui de Pyrrhus fait agir le courroux. S'il faut fléchir Pyrrhus, qui le peut mieux que vous? Vos yeux assez longtemps ont régné sur son âme. Faites-le prononcer, j'y souscrirai, madame. Quel mépris la cruelle attache à ses refus! Je croirai ses conseils et je verrai Pyrrhus. Un regard confondrait Hermione et la Grèce. Mais lui-même, il vous cherche. Où donc est la princesse? Ne m'avais-tu pas dit qu'elle était en ces lieux? Je le croyais. Tu vois le pouvoir de mes yeux. Que dit-elle, Phénix? Hélas, tout m'abandonne. Allons, Seigneur, marchons sur les pas d'Hermione. Qu'attendez-vous? Rompez ce silence obstiné. Il a promis mon fils. Il ne l'a pas donné. Non, non, j'ai beau pleurer, sa mort est résolue. Daigne-t-elle sur nous tourner au moins la vue? Quel orgueil! Je ne fais que l'irriter encore. Sortons. Allons aux Grecs livrer le fils d'Hector. Ah, Seigneur, arrêtez! Que prétendez-vous faire? Si vous livrez le fils, livrez-leur donc la mère. Vos serments m'ont tantôt juré tant d'amitié. Dieu, ne pourrais-je au moins toucher votre pitié? Sans espoir de pardon, m'avez-vous condamné? Phénix vous le dira, ma parole est donnée. Vous qui braviez pour moi tant de périls divers. J'étais aveugle alors, mes yeux se sont ouverts. Sa grâce à vos désirs pouvait être accordée, mais vous ne l'avez pas seulement demandé. C'en est fait. Ah, Seigneur, vous entendiez assez des soupirs qui craignaient de se voir repoussés. Pardonnez à l'éclat d'une illustre fortune ce reste de fierté qui craint d'être importune. Vous ne l'ignorez pas, Andromaque sans vous n'aurait jamais d'un maître embrassé les genoux. Non, vous me haïssez, et dans le fond de l'âme, vous craignez de devoir quelque chose à ma flamme. Ce fils même, ce fils, l'objet de tant de soins, si je l'avais sauvé, vous l'en aimeriez moins. La haine, le mépris, contre moi tout s'assemble, vous me haïssez plus que tous les Grecs ensemble. Jouissez à loisir d'un si noble courroux. Allons, Phénix. Allons rejoindre mon époux. Madame. Et que veux-tu que je lui dise encore? Auteur de tous mes maux, crois-tu qu'il les ignore? Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez. J'ai vu mon père mort et nos murs embrasés. J'ai vu trancher les jours de ma famille entière, et mon époux sanglant traîné sur la poussière, son fils seul avec moi réservé pour les faire. Mais que ne peut un fils? Je respire, je serre. J'ai fait plus, je me suis quelquefois consolé qu'ici, plutôt qu'ailleurs, le sort m'eût exilé. Qu'heureux dans son malheur, le fils de tant de rois, puisqu'il devait servir, fût tombé sous vos lois. J'ai cru que sa prison deviendrait son asile. Jadis, Priam soumis fut respecté d'Achille. J'attendais de son fils encore plus de bonté. Pardonne, cher Hector, à ma crédulité. Je n'ai pu soupçonner ton ennemi d'un crime. Malgré lui-même, enfin, je l'ai cru magnanime. Ah, s'il l'était assez pour nous laisser du moins au tombeau qu'à ta cendre ont élevé mes soins, et que, finissant là, sa haine et nos misères, il ne sépara point des dépouilles si chères. Va m'attendre, Phénix. Madame, demeurez. On peut vous rendre encore ce fils que vous pleurez. Oui, je sens à regret qu'en excitant vos larmes, je ne fais contre moi que vous donner des armes. Je croyais apporter plus de haine en ces lieux. Mais, madame, du moins tournez vers moi les yeux. Voyez si mes regards sont d'un juge sévère, s'ils sont d'un ennemi qui cherche à vous déplaire. Pourquoi me forcez-vous, vous-même, à vous trahir? Au nom de votre fils, cessons de nous haïr. À le sauver enfin, c'est moi qui vous convie. Faut-il que mes soupirs vous demandent sa vie? Faut-il qu'en sa faveur, j'embrasse vos genoux? Pour la dernière fois, sauvez-le. Sauvez-nous. Je sais de quel serment je romps pour vous les chaînes, combien je vais sur moi faire éclater de haine. Je renvoie Hermione, et je mets sur son front, au lieu de ma couronne, un éternel affront. Je vous conduis au temple où son hymen s'apprête. Je vous ceins du bandeau préparé pour sa tête. Mais ce n'est plus, madame, une offre à dédaigner. Je vous le dis, il faut ou périr ou régner. Mon cœur, désespéré d'un an d'ingratitude, ne peut plus de son sort souffrir l'incertitude. C'est craindre, menacer et gémir trop longtemps. Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Songez-y. Je vous laisse. Et je viendrai vous prendre pour vous mener au temple, où ce fils doit m'attendre. Et là vous me verrez, soumis ou furieux, vous couronner, madame, ou le perdre à vos yeux. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la Grèce, de votre sort encore vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis? Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre époux, c'est être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Quoi? Je lui donnerais Pyrrhus pour successeur? Ainsi le veut son fils, que les Grecs vous ravissent. Pensez-vous qu'après tout ces mânes en rougissent? Qu'il méprisa, madame, un roi victorieux, qui vous fait remonter au rang de vos aïeux, qui foule aux pieds pour vous vos vainqueurs en colère, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus? Dois-je oublier Hector, privé de funérailles, et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père, à mes pieds renversés, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, songe, ses filles, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang, tout couvert, échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdue. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime. Tous mes ressentiments lui seraient asservis. Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous. Vous frémissez, madame. Ah, de quel souvenir viens-tu frapper mon âme? Quoi, ces fils, j'irai voir expirer encore ce fils, ma seule joie et l'image d'Hector? Ce fils que, de sa flamme, il me laissa pour gage? Hélas, je m'en souviens, le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas, il demanda son fils et le prit dans ses bras. « Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse mon fils pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux hymen la mémoire t'est chère, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Et je puis voir répondre un sang si précieux, et je laisse avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne? Si je te hais, est-il coupable de ma haine? T'a-t-il de tous les siens reproché de trépas? S'est-il plaint à tes yeux des maux qu'il ne sent pas? Mais cependant, mon fils, tu meurs si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête. Je l'en puis détourner, et je t'y vais offrir? Non, tu ne mourras point, je ne le puis souffrir. Allons trouver Pyrrhus. Mais non, cher Céphis, va le trouver pour moi. Que faut-il que je dise? Dis-lui que, de mon fils, l'amour est assez fort. Crois-tu que dans son cœur il ait juré sa mort? L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie? Madame, il va bientôt revenir en furie. Eh bien, va l'assurer. De quoi? De votre foi? Hélas, pour la promettre est-elle encore à moi? Ô cendre d'un époux, ô Troyen, ô mon père, ô mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère. Allons. Où donc, madame? Et que résolvez-vous? Allons sur son tombeau consulter mon époux.